Afin de débuter cette nouvelle année de la plus horrible façon, de la manière la plus dérangeante, eh bien, nous revoici! Ayant plus de devoir nous subir à nouveau pour cette nouvelle année, vous devrez débuter les nouvelles éditions du Undead Incorporated Show avec notre rétrospective 2013, affectueusement baptisée la Rétro Undead. Et comme nous ne reculons devant rien pour vous déplaire, avouez que nous sommes tout dévoués, nous avons ajouté à cette Retro Undead métallique la rétrospective cinématographique qui, elle, portera désormais le nom de Retro Ciné Undead. Ici encore, vous devez avouer que c'est original, n'est-ce pas? Donc, sans plus attendre, il nous fait plaisir de vous présenter la première partie de cette Retro Undead. Voici Réanimation avec ses Retro Undead. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, édition 2014. Parce que cela fait 14 ans que vous êtes fidèle à Réanimation. Et ça, c'est totalement incompréhensible. Mais nous, ça fait autant de temps qu'on vous supporte et ça, ça commence à être pas mal moche. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is still our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Voivod. Not Thank you. Reason why. manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du Undead Incorporated Show Réanimation de cette nouvelle année 2014, le 7 janvier de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon assistant, again and again, c'est Sinistros. Et bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ben oui, à cette heure-ci, c'est vrai. Mais moi, parce que je suis rendu à l'envers, moi. C'est pas grave. Là. Oui, effectivement, on voit ton intérieur, là, c'est très laid. Mais c'est cela, c'est cela. Et comme dirait la célèbre chanson, on se reverra le 7 janvier. Eh bien, c'est le cas. Et voilà. Comment allez-vous? Mais c'est pas pire. Oui? Oui. En à part le super fret extrême et le vent... à écorner les gobelins. Oui, effectivement, c'est comme je le disais à mon arrivée tout à l'heure, c'est un froid de goulag sibérien. Oui, puis ça goûte le goulag. Oui, effectivement, mais c'est rien comparé à la semaine dernière. Ben non, c'est vrai que la semaine dernière, c'était un paroxysme total. D'ailleurs, on n'a jamais été capable depuis ce temps-là de dégeler nos matières premières. On est obligé de faire seulement de la soupe comme expérience. Et c'est très mauvais. Hey, Sinistros, on fait la Retro Undead. Hein? Ben, c'est ce qu'on t'a rien de faire. Ben oui, qu'on a commencé. Et finalement, on a réussi à trouver plus de trucs que l'on pensait. Oui. En fait, j'aurais dû me rappeler lors de ma première esclave à ce sujet que l'an dernier, j'avais dit à peu près la même chose. C'est cela. Et que j'avais trouvé finalement assez de stock pour meubler quelques émissions. On était capable de faire chacun un bon top 30 facile. Oui, je crois que oui. Mm-hmm. Tu vois, là, avec ce qu'on a compilé tous les deux pour faire cette rétrospective, Retro Undead, on en a possiblement pour 3 émissions. Ben, c'est bon. Fait que, évidemment, meubler de toutes sortes de commentaires, puis à travers ça, ben, je vais avoir la ciné Retro Undead que je vais commenter par-ci par-là à chacun des blocs, parce que j'ai retenu quand même un certain nombre de titres intéressants au niveau du cinéma. Il y a eu des bonnes choses en 2013. Oui, effectivement, il y a eu des bonnes choses en 2013. Il y en a eu des très moins bonnes aussi. Il y en a eu des exécrables, tout à fait. Côté musique, je pense que, moi, en ce qui me concerne, principalement, le boom a été peut-être un petit peu plus vers les derniers mois de l'année, là, les 3-4 oui, derniers mois de l'année. Oui, ça s'est décidé sur le tard, pas mal. Effectivement, c'était un peu plus tardif. Et vous remarquerez, tout au long de la Retro Undead, qu'il y aura beaucoup de doublons cette année. Tout à fait. Parce que si vous allez sur le site de Réanimation, réanimationad.com, vous constaterez ceci, c'est que dans les top 10, respectivement ceux de Sinistros et du mien, Nous avons certaines formations qui se retrouvent de façon commune. Ne serait-ce que Voivod, nous avons Gorguts, nous avons Aid. Aid aussi. Et effectivement. Satan. Hell. Ouais. Ce sera un peu normal que vous entendiez dans chacun des blocs qu'on va vous présenter deux pièces du même band, de la même formation qui se succèdent. C'est le choix de Sinistros et le mien. D'ailleurs, dans ce cas-ci, en premier bloc d'ouverture d'émission, ça s'est produit. Nous avons entendu à l'inverse de ce qu'on fait normalement, on va y aller vraiment avec la première pièce de chaque bloc. Puis on va descendre jusqu'à la dernière pour dire que il y a une chronologie dans laquelle la date est sortie. Oui, mais c'est ça. Là, la Retro Undead, cette année, on y va un petit peu différemment des autres années. Ouais. Au lieu de débouler nos tops de la fin et aller jusqu'au début, on a préféré y aller par ordre de sortie cette année. Mm-hmm. Donc, c'est pas fait par ordre de préférence. Non, absolument pas. Il n'y a pas. Puis vous constaterez aussi que, évidemment, ça va faire des blocs des fois qui vont être un petit peu hétéroclites, une pièce envers l'autre, oui, parce ça. Que on respecte vraiment la chronologie. C'est cela. Mais curieusement, la première chanson qui a joué pour le Retro Undead 2014, ça se trouve être mon numéro 1. De mon top 30. Ah, ben là, on va changer ça de bord. Okay, plus d'allure ce qu'on dit là. Non, hein, ça se tient plus de bord. Non, mais c'est comme un addon. Numéro 1, Voivod. Moi, j'avais choisi la pièce Kloskapokom parce que ça me tentait. D'accord. Point final. Parce que l'album Targeter, c'est selon moi le meilleur album de 2013, tout style confondu. Un excellent retour de Voivod avec une formation qui, ma foi, revampé. Très revampé et très efficace. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, tu vois, Voivod se trouve à être en 8e position. T'as donc pas de cœur, toi. Non, j'ai pas joué qu'une classe, moi. Non, pour la simple et unique raison que il y a eu des choses qui m'ont vraiment, mais vraiment, sont venues me chercher au niveau du métal cette année. Voivod, c'est un excellent album. J'aime beaucoup la façon dont ils ont repris une formule qui leur a été propre pendant une certaine époque de leur carrière. Ils l'ont remis à la sauce actuelle avec un excellent jeu de guitare de la part de Dan Mongrain. Ouais. Puis on voit qu'il y a une belle synergie dans la formation. Par contre, moi, il reste que ce que j'ai toujours préféré de Voivod, c'est ce qui s'est fait bien avant. Bien avant. Mon premier album, tu sais, c'est Roar. Mm-hmm. Bon. Par contre, je trouve que il s'est bien démarqué, cet album-là. Moi, c'est pour cette raison-ci que j'ai aussi choisi une pièce de Voivod, qui, soit dit en passant, est parue le 22 janvier. J'ai pris la chanson de Joël Denis, la pièce suivante, Mechanical Mind. Pour moi, c'est celle que je préfère sur l'album. D'accord. C'était suivi de Centurion, formation que j'ai découvert en 2013, formation qui vient des Pays-Bas. Pays-Bas, qui est un pays qui, ma foi, nous réserve de très grandes surprises lors de l'année 2013. C'était énormément d'albums qui sont sortis. Ouais. Des albums. Des albums. C'est sorti le 28 janvier. L'album s'intitule Contrat rationnel, mais c'est paru sur Listenable Records. On a entendu la pièce Crown of Bones. Oui, c'est vrai que c'est bien. Oui, c'est très, très bon. Tu vois, j'avais oublié cette bande-là. Puis quand tu as remis ça dans tes choix, dans ta programmation, c'est vrai. C'est toujours comme ça. On a suivi ça de... Un petit doublé de Suffocation. Absolument. Parce que Suffocation nous ont sorti un excellent album en 2013 qui s'intitule Pineapple of Bedlam. Hop-là! C'était sorti sur Nuclear Blast et on a eu droit à une très solide performance au Trois-Rivières Metal Fest aussi vers l'automne, ici à la bassiste industrielle. Moi, ça rentre dans mon top 10 Suffocation. Ouais. Ton Suffocation, tu l'as mis en 9e position. Ben, c'est cela, avec la pièce Imminent Wrath. Moi, tu vois, Suffocation n'apparaît pas dans mon top 10. T'as pas de cœur. Effectivement. <ça. rire> Mais attends de voir le reste. Là. Mon top 10, moi, c'est un peu... C'est quoi? C'est la trame sonore de Star Academy. Mais c'est cela. La trame sonore d'Occupation... Des fois, je suis pas trop sûr, ils sont juste doubles, moi. Allez, des fois, ils sont peut-être triples. Non. Suffocation, c'est une formation que j'apprécie. C'est pas un de mes bandes préférées, par contre. Je trouve qu'avec les trois derniers albums, ils se sont vraiment reconsolidés. Ils sont arrivés avec du matériel beaucoup plus puissant, beaucoup plus sûr que ce qu'ils faisaient avant. Quoique, Suffocation reste une espèce de band mythique, je dirais, et fétiche au niveau du death metal. Mais moi, je trouve que les albums précédents de Suffocation, depuis le début de leur carrière, sonnent assez vite, généralement. Donc, j'étais très content de voir que les trois dernières parutions avaient ramené quelque chose de vraiment très bon. Mais ça reste quand même pas un de mes bandes préférées. Mais il reste que c'était une des belles sorties 2013 en ce qui me concerne aussi. Donc, j'ai choisi aussi une pièce de Suffocation qui était Solemn Days. Soit dit en passant, qui est, je sais pas si tu l'avais dit, que t'es paru le 15 février. Non, je m'en allais le dire. T'es paru le 15 février dernier sur le même album Pinnacle of Bedlam qui était sur l'étiquette Nuclear Blast. On va continuer musicalement dans quelques instants, mais il faut que je vous parle de quelques trucs au niveau du cinéma. J'irai pas tout de suite avec la ciné rétro Undead, je vais aller simplement avec des trucs que j'ai vus récemment, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Un film de Lee Daniels qui met en vedette, excusez-moi, Forest Whitaker et, à ma grande surprise, Oprah Winfrey et John Cusack, entre autres, parce que il y a aussi Robin Williams, il y a plusieurs personnes qui défilent là-dedans. C'est le film de Butler, le majordome. Qui raconte l'histoire de Cecil Gaines, qui était un jeune esclave, effectivement, dans les dernières années des plantations de coton sudistes américaines, et qui suivait ses parents, qui étaient sous le joug de quelqu'un plus ou moins bien intentionné, évidemment, et qui voit son père se faire tuer sous ses yeux par cette même personne qui menait cette plantation-là. Et lorsqu'il a 18 ans, ben en fait, le franchissement qui est dans la ligne de compte, il réussit à pouvoir quitter cette plantation-là. Il est certain que partout ailleurs, ça va être mieux. Mais il se rend compte que c'est très difficile parce que il vient dans une époque où il y a encore énormément de ségrégation. Encore à l'époque où, exemple, les lieux publics américains avaient un endroit, c'était séparé, une côté pour les Noirs, une côté pour les Blancs. Même chose pour les salles de bain, même chose pour les buvettes. Une buvette attitrée aux Blancs, une buvette attitrée aux gens de couleur. Donc, il peut pas trouver de travail, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il commette un vol, parce qu'il est affamé. Il fait un vol par infraction, et il se fait prendre. Et cette personne-là, qui est lui-même un butler, un majordome, lui dit, écoute, il dit, au lieu de continuer ta vie comme ça, il dit, je peux peut-être t'apprendre les métiers. Et de fil en aiguille, il progresse, il s'en va dans les grands hôtels. Il est très apprécié parce qu'il est très discret. Mais en même temps, il est très à l'affût de tout ce qui peut se passer, jusqu'à ce qu'il soit repêché à la Maison-Blanche. Il devient un des, je pense qu'ils sont 10 majordomes, si je ne m'abuse, et il côtoie 6 présidents différents, le règne de 6 présidents différents, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, aller jusque pratiquement à l'élection de Barack Obama. C'est très, très bon parce que ça donne une vision qui est très particulière de ce que autant ces gens-là devaient subir et devaient, écoute, ils gagnaient 40% moins cher au niveau de leur salaire que ce que les Blancs faisaient exactement le même travail. De la ségrégation qui les entourait, mais aussi de l'évolution et de gravité autour d'un major au niveau politique, était la plus grande puissance mondiale, et de voir, il est au fait de différentes choses qu'il ne doit pas évidemment révéler, et c'est pas toujours très propre. Laisse-moi te dire, c'est pas toujours très propre. Ce qui se passait dans le grand salon, c'était pas toujours chic. Donc, Le Majordome, c'est un excellent film. Je lui ai donné un 9 sur 10, et ça vaut vraiment la peine de le voir. Un autre film qui est vraiment excellent, j'ai donné un 9.5 sur 10, c'est le Captain Phillips, qui met en vedette Tom Hanks. C'est vraiment un excellent film qui raconte l'histoire, un fait vécu du Captain Phillips, qui lui est capitaine, bien entendu, dans les cargos. Et lors d'une traversée qu'il doit faire, il passe près des côtes du Mali, ils se font attaquer par des pirates. Et c'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Et ça raconte cette période de temps-là qui se calcule sur quelques jours jusqu'à ce qu'il y ait une forme d'assaut qui soit fait par les commandos américains. C'est vraiment Et ça reflète bien la réalité, j'en suis certain. Puis c'est vraiment pas chic à voir, là. C'est vraiment pas chic. C'est pas les pirates, là, comme on s'en fait, là. Non, c'est pas Jack Sparrow. Non, c'est pas le beau truc, là, aventurier et romantique qu'on voit. Pas du tout, là. C'est vraiment très pourri. Captain Phillips, 9.5 sur 10. Je dois dire que c'est vraiment excellent. Un film que vous devriez peut-être pas nécessairement voir, c'est la suite de Riddick. Il y avait eu les chroniques de Riddick. Je me rappelle même pas du premier. Ben, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Une suite 10 ans plus tard, ou pratiquement 10 ans plus tard, je trouve que c'est peut-être pas nécessaire. Ça met encore en vedette Vin Diesel. C'est très ordinaire. Ça valait pas plus qu'un 6 sur 10, puis je me suis trouvé généreux après coup. Parce que dans les faits, ça vaut peut-être juste un 5 sur 10. Écoute, il se passe pas grand chose, puis c'est plus des monologues que d'autres choses, puis de la narration, parce qu'il est pratiquement tout seul tout le temps. Il se parle tout seul, finalement. Il se parle quasiment tout seul. Okay. Riddick, c'est pas quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Je ne vous le conseille plus ou moins. Écoute, une chose qui m'a aberré grandement, c'est de savoir qu'il va avoir je pense que c'est sixième partie, effectivement, de Paranormal Activity. Sont-tu déjà rendus là? Ouais, ils sont rendus là avec The Marked Ones, qui vient de sortir, je crois que c'était vendredi dernier. Écoute, genre. Il me semble qu'après deux. Puis écoute, hier, le premier, j'ai bien apprécié, puis après ça, c'était fini, là. C'est jamais le même scénario, producteur qui le fait, hein, c'est tire à gauche, pas à droite, c'est ridicule. Moi, en tout cas, je pense même pas chercher à pouvoir l'écouter, mais c'est en salle. Paranormal Activity de Marked One, c'est la partie 6 de cette lamentable franchise. Il y a The Walking Dead saison 4 là, que je vais commencer à écouter bientôt, qui semble, selon moi, être une des bonnes saisons, des bonnes séries de 2013. J'ai pas eu le temps encore de faire le tour. Écoutez, je vais finir cette chronique-là de cinéma simplement avec ce que je fais comme à tous les semaines. Le film à revoir ou à découvrir, et tu l'as certainement déjà vu et apprécié, c'est Le Sixième Sens. Bien sûr! C'est un excellent film de M. Night Shyamalan qui met en vedette Bruce Willis et Harley Joel Osment. C'est paru en 99. Moi, je lui donne un 9 sur 10 à ce film-là. Je l'écoute encore, j'ai encore le même trip à l'écouter. C'est l'un des premiers films, je dirais, dans une portion des dernières peut-être 15 années, 15-20 années. Ça, c'est un film post-Blade Runner qu'on pourrait appeler. Avec un punch inattendu, avec une façon d'amener le scénario de façon très intelligente et très, très fine et subtile pour nous garrocher en pleine face à la fin quelque chose qu'on s'y attendait pratiquement pas. C'est ce que M. Night Shyamalan a réussi à faire avec The Sixth Sense, ou Le Sixième Sens, si vous préférez. Malheureusement, je dois dire qu'il aura tenté de faire le coup à quelques reprises par la suite, mais un coup que ça a marché une fois, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Hein? Donc, mais Le Sixième Sens, si vous n'avez jamais vu ce film-là, c'est un film qui est à voir absolument, c'est vraiment très, très bon. 19h47, j'ai complètement oublié de vous dire que c'est la première édition de Réanimation 2014, mais on l'a dit à quelques reprises avant la pause des fêtes. Réanimation, dorénavant, sera de 19h à 21h. Donc, on a raccourci d'une heure. Donc, on finira à 21h maintenant au lieu de 22h. Vous allez être chanceux, une heure de moins de chansons plates. Et voilà, effectivement, c'est ce que j'avais en tête d'ailleurs. Donc, on va poursuivre cette Retro Undead, cette fois-ci avec, je dirais, les trois premiers choix sont ceux de Sinistros, qui seront lesquels? Je sais plus, non. Moi non plus, je sais plus. Une surprise en 2013, qui en a peut-être surpris même plusieurs. Je dirais au moins 7. Minimum 6. OK. Minimum 6. Il y a certaines langues bien, bien fourchues et armes très bien pensantes, se croyant très cultissimes. Vous deux, attends un peu, je comprends plus rien de ce que tu dis, là. Alors, j'essaie de parler l'élite du métal. OK. Ça existe, ça, l'élite du métal? Oui, il y a de l'élite noire, où ce que c'est tout doit être excessivement noir, et si c'est pas trou, trou culte. OK. Trou du culte. Oui, oui, d'accord. C'est pas bon. Alors, Dark Throne, apparemment que cet album-là n'est pas bon, mais moi, je trouve ça très génial que ce groupe-là, ce duo-là, décide de retourner carrément à leur source heavy metal et nous pousser même quelques chansons avec des vocaux typiquement années 80. Oui. Avec des très, très bons riffs et des très bonnes pièces. The Underground Resistance est, selon moi, le meilleur album de Dark Throne à ce jour. Okay. Selon moi, là. Mais moi, je ne suis pas un trou de culte, vous soyez. Alors, on va y aller avec Dark Throne, avec la pièce Lesser Man, qui est parue sur Underground Resistance. Ça sera suivi d'une formation française que j'ai découvert, qui font un genre de métal industriel assez percutant, qui s'appelle No Haine. Et nous aurons un doublé. Oui. Avec Rotten Christ. Et nous terminerons avec Torture Killers. Mais pour l'instant, allons-y avec Dark Throne. Go! We'll be right back. La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. Ce samedi 11 janvier, 14h, au Colisée de Trois-Rivières. Assistez au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR aux Voyageurs de Laurentien. Adultes, 8 $, étudiants, 3 $. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! 20h16, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, et dans la première partie de cette Retro Undead 2013. On a débuté ce deuxième bloc avec quoi? Ben, Dark Throne, avec la pièce Lesser Man, qui est sortie sur l'album The Underground Resistance sur Peaceville Records. C'est vrai que. Il est correct, cet album-là. Oui, c'est, ouais. Moi, selon moi, c'est pas mal le meilleur de la discographie. Ben, moi, en tout cas, honnêtement, ça sonne bien. Oui, ça sonne très bien. Ouais. C'est des riffs accrocheurs. C'est des riffs entraînants. Entraînants et joyeux. Oui. C'est pour ça que les black metalux, ils l'aiment plus. Ils l'aiment plus, Dark Throne. Ils l'aiment plus. Ils sont rendus trop gentils. Ils font même plus peur à ma grand-mère. Qui, grand-mère? Elle est pourrie! Non, la grand-mère, c'est super bon! Ouais! Ça faisait longtemps, il faut la sortir des boulamites. Formation française, Noéne, avec la pièce Liar's Dream, a remarqué ici que c'est une demoiselle qui beugle derrière c'est son vrai, discours. Ben oui. Oui. C'est paru sur l'album Infection Erasure Replacement sur Metallian Editions. Le 28 février. Le 28 février, ben c'est cela, une journée à peine avant le mois de mars. Ben oui. Ben justement, le lendemain, on a eu Rotting Christ. Oui. Avec la pièce Grandis Spiritus Diabolus, Et puis c'est un doublé, finalement. Oui, effectivement. En fait, c'est moi qui avais choisi Grande Spiritus Diabolos. Moi, j'avais choisi Iowa Voodoo qui a suivi, en fin de compte. Oui, c'est deux excellentes pièces, d'ailleurs, qui sont tirées de cet album Cataton Demona Toy, qui est paru sur Season of Mist le 1er mars, comme tu le disais. Et c'est... Moi, je l'ai mis, cet album-là. Je vais te dire ça, en quelle position... Toi, tu l'avais pas choisi, je pense. Non, il n'est pas sur mon top 10, mais je pense qu'il est dans le top 20. Là. Moi, c'est la 10e position. D'accord. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un très bon album. Oui, c'est un très bon album. Oui, effectivement. Mais, je dis top 30. Moi, même Curlemont, il y a top 40 parce que j'ai inclus des trucs non métal, okay. Comme au travers. Là. Je pense comme le dernier Spendo Ballet. Oui, genre. Là, c'est Simple Minds aussi. Don't you forget about me. Non, mais tu sais. C'est cela. Et juste après ce Doobly Rotting Christ, on a eu Torture Killer et la pièce The Book of Dying World qui est parue sur l'album Phobia, évidemment en 2013, vous vous en douterez bien. Ce que j'expliquais finalement de mon top 30, c'est tout de très bons albums. D'accord. Torture Killer est paru le 15 mars. Ancienne formation de Chris Barnes que l'on retrouvera dans le prochain bloc avec Six Feet Under, évidemment. Avec le nouveau vocal de Percy Altsonen, qui est là depuis 2011. C'est sûr que Torture Killer avec Chris Barnes, pour moi, ça avait un petit charme un peu plus attrayant, mais je trouve que ça fait un bon travail. C'est un peu le genre de... Je dirais de death metal. Entraînant. Rudimentaire, entraînant. Oh, ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est simpliste, mais ça fait le travail. Voilà. Donc, la semaine prochaine. Ben, sur ce, allez tous. Vous ferez peut-être foutre. Au diable. Dans la première partie de cette rétro-ciné Undead, c'est-tu original? Oui, comme c'est cool. Oui, tu sais, je me suis... Pourquoi que tu vas chercher des titres comme ça? Ah ben, j'ai travaillé du chapeau pendant des heures et des heures avant d'arriver à cette conclusion. Je me suis dit, c'est peut-être complexe comme nom, mais je vais l'appeler quand même comme ça. Eh oui. Peut-être bien que les auditeurs, ils comprendront foutrement rien, mais c'est pas grave. Ça se peut, ça. Écoutez, il faut que je dise que ici les films dont je vais faire la nomenclature. Oui, c'est cela. C'est pas nécessairement non plus là de mon top, un top numéro un, le numéro deux de ceux que j'ai préférés. C'est tout genre confondu. Broken City. Qui mettent en vedette quand même deux acteurs de calibre, soit Russell Crowe et Mark Wahlberg. C'est un film policier qui décrit, puis c'est fait par Arlen Hughes, un des deux frères Hughes. C'est un bon film, oui, effectivement. Mmh. En fait, c'est un peu le double-crossing du maire envers son policier principal. Écoute, il crosse royalement. Là. Et l'autre décide de se venger, mais avec une façon assez élégante qui est une enquête pour être capable de le mettre au banc des accusés. Je trouve que c'est un bon film. Oui, c'est très bon. Un bon film policier. The Butler, j'ai parlé tout à l'heure. Captain Felix, j'ai parlé aussi. Probablement le meilleur film, du moins le meilleur film d'horreur que j'ai vu depuis longtemps et certainement le meilleur de 2013, The Conjuring. Est-ce que tu l'as vu? Non. C'est basé sur des faits, entre guillemets, vécus. C'est un film qui traite des phénomènes de hantise assez particuliers et, je dirais, assez violents, d'ailleurs. C'est l'histoire de deux personnages qui ont réellement existé, les Warren, qui se spécialisaient dans les enquêtes du paranormal. Elle est toujours vivante aujourd'hui, lui est décédé. Et qui sont appelés à la rescousse de cette famille qui ont perdu complètement le contrôle dans leur environnement immédiat qu'est leur maison. C'est un film qui a réussi à mettre... Tu sais, dans les films d'horreur, ce qu'on cherche tout le temps, c'est l'espèce de... Pas de tension des films de slasher, parce que ça, c'est vraiment nul, là. Mais vraiment, la tension de l'inquiétude, de pas savoir, d'être capable de se mettre à la place de du personnage de l'acteur en tant que tel. Je pense que The Conjuring l'a réussi haut la main. C'est intelligent. C'est en même temps particulier. Et tu te dis, ben, écoute, moi qui est un peu, je dirais, porté vers ce genre de truc-là, porté dans le sens à les croire, là, je me dis, ça devait être vraiment l'enfer. The Conjuring, c'est un film qui est absolument à voir si vous êtes amateur de films d'horreur. Et si vous n'êtes pas amateur de films d'horreur, je pense que c'est un film qui va vous faire aimer le genre. C'est vraiment, vraiment excellent. Le dernier film pour cette portion que je vais vous parler présentement, c'est Dark Skies, qui est un film d'horreur aussi, qui est assez nouveau genre, je dois dire, qui est assez innovateur, qui est en même temps une espèce de truc de possession, si on veut. Mais c'est... Comment je pourrais te dire? C'est un film... Tu peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer parce qu'il t'amène ça d'une façon qui est un peu déconcertante. Tu vas avoir l'occasion de le voir bientôt, d'ailleurs. Ouais. Tu sauras m'en donner des nouvelles. Donc, Dark Sky, c'est un film que j'ai retenu aussi pour 2013 qui a été très... si on peut dire, agréable à regarder. Il est 20h23. On est pratiquement dans la dernière... On atteint pratiquement la dernière demi-heure de cette édition de réanimation en cette première partie de Retro Undead. On a encore de la musique, évidemment. Il y a une chose que je dois dire, puis que les auditeurs devraient savoir et vont savoir bientôt. Sinistros va nous quitter, éventuellement. Eh oui. Sinistros devrait finir le mois de juin. Oui, non, mais bien avant. C'est pas pareil comme température, juin. Le mois de janvier avec nous. Oui, effectivement. Et il y a de nouvelles obligations, des horaires qui sont différents, qui l'empêchent de poursuivre. Et bien malheureusement, c'est avec peine que je devrais... Oui, moi aussi, c'est avec peine que je vais devoir te laisser partir. C'est minimalement un an, après on verra. Bien, c'est ça. C'est un contrat d'un an que tu as à l'extérieur, qui est un horaire totalement différent. Donc, il va faire... le mois de janvier avec nous, c'est-à-dire tout la Retro Undead minimalement et possiblement une dernière émission pour tirer sa révérence. Et peut-être qu'on ne sait pas, peut-être ce que l'avenir nous réserve, peut-être qu'il pourra revenir éventuellement. Donc, nous allons poursuivre en musique avec quoi, cher Gobelin? Eh bien, formation norvégienne qui porte un excellent nom de Eternus. Et pourquoi? Parce que quand tu es en Norvège puis qu'il fait moins 24, tu pointes la grippe Eternus. Voilà. La pièce s'appelle Rune and Resurrect. C'est paru sur un album qui s'appelle And the Seventh is Soul Detested. Ah ouais? Oui, c'est cela. Et ça veut dire? Ben, le septième de ton âme t'aimait pas, finalement. Ah, ben, ça va pas bien, hein? Non. OK. Fait que imagine-toi le restant, c'est c'est pas chic. La bataille est poignée. C'est peu prometteur. Ça s'est suivi d'un doublé. Ben oui. Un doublé d'une formation américaine que nous affectionnons tous les deux. Qu'on a eu plaisir aussi de voir cet automne. Eh bien oui, Jungle Rock. Tout à fait, absolument. Et ça sera suivi de deux autres formations. Tout à l'heure, je parlais de Chris Barnes. On revient avec sa formation originale qui est Six Feet Under. Qui a sorti un excellent album en 2013. Tout à fait. Et Finn Troll, qui n'a pas sorti son meilleur album à vie, mais en a sorti quand même un très très bon en 2013 ouais, aussi. Oui, absolument. Alors, allons-y tout de suite avec les Norvégiens de Eternus. À tes souhaits. Merci. Go!

20h50, et effectivement, cela tire à sa fin. C'est drôle de dire ça à cette heure-là. Hein, parce que, oui. Normalement, il nous reste encore 1h10, mais bon. C'est Tam. Eh bien, on a commencé le bloc avec formation norvégienne qui a pogné le rhume. Oui. Eternus. Avec Reign and Resurrect, c'est tiré de l'album And the Seventh is Soul Detested. C'est paru sur Dark Essence. On a eu un doublé de Jungle Rock. C'est paru le 18 mars. Oui, 18 mars, excusez-moi. Le 19 mars, le lendemain, Jungle Rock nous offrait Terror Regime, qui est un excellent album. On a entendu les pièces I'm Hatred et Scorn. Effectivement. C'est paru sur Victory Records. Tout à fait. Le 19 mars. Nous suivions le tour de Six Feet Under, paru le 19 mars également, et la pièce Zombie Blood Curse, que l'on retrouvait sur la dernière parution Unborn, qui est un album qui fait suite à Undead. En fait, ils sont indissociables les deux. Paru sur Metal Blade, et Zombie Blood Curse est selon moi la meilleure pièce de cet album. Effectivement, et on a terminé le bloc avec Finn Troll, avec une pièce qui s'intitule Blood Swept. Ben, c'est la pièce titre de l'album du même titre, finalement. Mm-hmm. C'est paru sur Century Media le 22 mars. Tout à fait. Dernier film, je vais vous parler ce soir. C'est la comédie policière d'action qui s'appelle The Family, qui met en vedette Robert De Niro. Que j'ai pas vu encore. Ah, qu'il faut que tu vois ça. Et Robert De Niro et Michelle Pfeiffer, entre autres. Et ça raconte, c'est un film de Luc Besson qui raconte l'histoire d'un mafiosi qui a été délateur et qui est sous la protection policière dont l'identité est échangée, lui et sa famille, et qui malheureusement doit changer de ville assez régulièrement, voire de pays, parce que la nature, sa nature étant celle d'être un gangster et de sa famille étant la famille d'un gangster, eh bien revient toujours à la surface et il fout toujours la merde partout où il va. Écoute, ça allie la comédie, mais c'est en même temps très violent par moment. Et il y avait longtemps que j'avais pas vu un bon film avec Robert De Niro. Donc, The Family de Luc Besson, et je crois que c'est un film qui allie en fait deux ou trois styles de cinéma qui sont parfaitement liés ensemble, en fait, dans cette production. Et c'est fort divertissant. Et c'est un film qui donne le goût de le revoir. Donc, je te le conseille fortement. On va terminer cette première édition de Réanimation 2014 et cette première partie du Retro Undead avec un autre doublé, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Qui est une formation que tu m'auras fait apprécier. Une formation norvégienne qui donne dans un style assez éclectique et bizarroïde. On retrouve des racines du punk à travers ça. Du hard rock même, ouais. Alternatif, ouais. Metal et tout ce qu'on veut. C'est Gvelertak avec un excellent album qui a pour titre Mir. C'est paru sur Indie Recordings, Sony Music. Oui. Alors, c'est paru le 26 mars. On va entendre deux pièces, soit les pièces Trepan et Bowen Bren, qui signifie The Bridges Are Burning, qui était le premier single de l'album, d'ailleurs, qui est à être paru. Alors, sur ce... Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Et effectivement, sur ce... Allez tous vous faire foutre. Ciao et go.